Deuxième partie, Cosette. Passant près de Waterloo en 1861, Victor Hugo s'attarde sur cette défaite du grand bûcheron de l'Europe qu'on appelait Napoléon. 18 juin 1815, Waterloo fut la fin d'Austerlitz. Napoléon était un de ces génies d'où sort le tonnerre. Il venait de trouver son coup de foudre. Était-il possible que Napoléon gagnât cette bataille? Nous répondons non. Pourquoi? À cause de Wellington? À cause de Blücher? Non. À cause de Dieu. Il était temps que cet homme vaste tombât. Il gênait Dieu. Waterloo n'est point une bataille. C'est le changement de front de l'univers. Quelques carrés de la garde, immobiles dans le ruissellement de la déroute, comme des rochers dans de l'eau qui coule, tinrent jusqu'à la nuit. Au crépuscule, vers 9 heures du soir, il en restait un. Il était commandé par un officier obscur nommé Cambronne. Quand cette légion ne fut plus qu'une poignée, un général anglais leur cria « Brave Français, rendez-vous » Cambronne répondit « Merde !» Foudroyé d'un tel mot, le tonnerre qui vous tue, c'est vaincre. C'est l'insulte à la foudre. Au mot de Cambronne, la voix anglaise répondit « Feu !» Quand la fumée se dissipa, il n'y avait plus rien. Fin de la dictature. Tout un système d'Europe croula. Louis XVIII rentra dans Paris. La vieille Europe en profita pour se réformer. Les rois régnèrent malheureusement avec le rocher de Sainte-Hélène à l'horizon. Pendant que Napoléon agonisait à Longwood, les 60 000 hommes tombés dans le champ de bataille pourrirent tranquillement et quelque chose de leur paix se répandit dans le monde. Le congrès de Vienne en fit les traités de 1815 et l'Europe nomma cela la Restauration. Voilà ce que c'est que Waterloo.